Mais que s'est-il passé un 9 mai ? En 1982, John Watson remporte le Grand Prix de Belgique à Zolder après s'être élancé de la 10e position. La performance est belle, mais célébrée dans la douleur, tout le paddock étant sous le choc du décès brutal de Gilles Villeneuve lors des qualifications. Keke Rosberg et Eddie Cheever ont rejoint Watson sur le podium après le déclassement de Niki Lauda, sa McLaren étant trop légère. En 2004, et malgré un excellent départ qu'il a vu prendre la tête du Grand Prix d'Espagne, Yarno Trulli n'a rien pu faire face aux Ferrari de Michael Schumacher et Rubens Barrichello. Le pilote allemand remporte sa 75e victoire en Formule 1, le tout alors qu'il fêtait ce jour-là son 200e départ en Grand Prix. En 2010, Mark Webber domine le Grand Prix d'Espagne à Barcelone et l'emporte devant le régional de l'étape Fernando Alonso. L'Espagnol a récupéré cette deuxième place dans les tout derniers tours, après une crevaison de Lewis Hamilton au virage 3 à deux boucles du but. Ce fait de course permet également à Sébastien Vettel de monter sur le podium. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain!